choisit ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Net les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Étant treillis dans le conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. Tous deux la même balle et tous deux déçus. Je prends mon dernier rêve. La sécheresse sur une terre où on ne cesse de semer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, y'a l'étape au fond et l'étape à côté. L'étape à un euro ou la tape à l'arracher. Y'a l'état, les RMistes, l'état qu'à taffer. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air patibulaire. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. Tous deux la même balle et tous deux déçus. Je prends mon dernier rêve. Face à la mer, c'est toi qui résistes. C'est toi qui résistes. Face contre terre, ton nom sur la liste. De tout ton être, si t'es à comparaître. C'est l'histoire de cette plume qui s'étouffe dans le goudron. Cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la gnaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action. Face à la mer, ouais. J'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. La même dalle, on est tous deux déçus. Jeune pour mourir.